s'appelait La Nuit des Temps, qui était situé dans le nord de la France, un club discothèque qui était né à la fin des années 70 et qui avait pour particularité non seulement d'être créé dans une ancienne salle de cinéma qui s'appelait l'Éden et qui datait des années 30, mais qui en plus de programmer une musique assez fantastique faite de soul, de funk, d'électro qui venait de Belgique, un tout petit peu avant la France à l'époque, eh bien avait pour particularité d'avoir créé sa propre radio. Il y avait un pylône un peu à la RKO et de diffuser le jour et la nuit de la musique. Bienvenue dans la nuit des temps. Et on commence avec une merveille. Gabriels. C'est un trio californien né en 2016. Trois producteurs qui continuent à diriger des chorales gospel. Come Ah mais quel chef-d'œuvre, Gabriel, ça c'est donc ce trio californien formé en 2016, Ryan Hope, Harry Balousian et Jacob Lusk pour la voix. Le génial Jacob Lusk. Ils ont fait la tournée des festivals cet été en Europe. Et pour résumer, on peut dire que c'est voix soul, clap des mains, piano sourd, des paroles engagées. Et le tout remixé ici par le génial pape de la house, Kerry Chandler. La nuit des temps, c'est une première sur Radio Duo et chaque semaine, on va jouer plusieurs titres d'un même album ou d'un même artiste. Ce sera le power play de la semaine, un concept des radios pirates au début des années 80. On reprend les viennes soupes. On posera un son de notre époque ou bien, si l'occasion se présente, une nouveauté comme aujourd'hui avec un certain Orlando Higginbottom. Monsieur Orlando se produit sous différents noms comme Ted, Totally Enormous, Extinct Dinosaur. Je voudrais te voir danser, je ne t'ai jamais vu danser. I'm leaving without. pu enchaîner avec All Night Long de Lionel Richie, les années 80. Et bon, une fin de fête finalement. Un truc un peu triste. Enfin, triste, c'est pas si sûr. Orlando Higginbotham nous avait plutôt habitués à de la house, mais là, en 2022, il a livré un album beaucoup plus pop, beaucoup plus mélancolique aussi. Une mélancolie qui semble coller parfaitement au jeune Q. Alors lui, ce Q, c'est plutôt de la soul moderne, sensuelle. C'est une autre génération. Q est né en Floride. Il a 22 ans. Et pour tout vous dire, je l'ai vu sur scène cet été se tortiller torse nu avec sa guitare, une sorte de grand timide, un brin atmosphérique. Il y a du Prince dans sa musique, le Prince des débuts. I Won't Get Ya, Miami, nous sommes en 2021. La nuit des temps sur Radio Duo. immense Dizzy Gillespie et sa trompette magique qui a inventé le bebop dans les années 60. On le retrouve ici dans les années 70, précisément en 1969 avec sa bande de potes. Un son plus direct, fait pour danser, ça s'appelle Matrix. Et en appelant son titre Matrix, il ne croyait pas si bien dire, puisque ce morceau était repris, samplé, resamplé dans les années 90 et 2000 un nombre incalculable de fois. Dizzy Gillespie. Your eyes sometimes move outside of you, watching the two of us. Yes, as if after you turn towards the wall, somebody's kisses stopped your mouth. Vous écoutez La Nuit des Temps sur Radio Duo. Yo, Dylan, you ready to get it started, baby? De manières, plein de différentes manières pour redécouvrir ou redécouvrir un son, et l'une d'elles est par exemple de reprendre un grand classique de la pop ou de la dance et de le réécouter en version instrumentale, sans les voix justement, juste avec la musique. C'est ce que nous allons faire maintenant avec un extrait de l'un des albums les plus célèbres de l'histoire de la pop, c'est Rumours des mi-anglais, mi-californien Fleetwood Mac. Cet album Rumours était une usine à tubes en 1977. Pendant que le punk et la disco renversaient la table, eh bien Fleetwood Mac continuait inlassablement à chercher le trip, à traquer le Moby Dick de la musique, à imaginer une longue grimpette infinie vers le Nirvana comme les Pink Floyd, mais en plus calibré pour les radios. Une évidence lorsque l'on écoute ce Keep Me There, réentendu ces dernières années sur les plateformes, en bande-son pour des séries. And I'll be loving you forever and ever. And I'll never let you hurt from me again. Cause I'll be loving you forever and ever. Yes, I'll be watching you till the very end. Slow down, put your head in my hands. Concentrate on hearing what I'm trying to say. Cause all I see is time for you and me. And once again I feel like I'm loving you. Il s'est passé 10 ans entre ces deux dernières productions. 10 ans, c'est un peu le Kubrick de la dance. 10 ans qui méritent bien un second titre de Totally Enormous Extinct Dinosaur dans la nuit des temps. C'est notre power play de la semaine. La nuit des temps, c'est l'international de la dance sur Radio Duo. Trois producteurs hollandais. Crack and Smack avec Oscar De Jong, Mark Nippers et Wim Ploeg. Et se sont rendus célèbres il y a quelques années par quelques sons dans la série Looking. dreaming of all of the time. I guess I can't help myself. And so that's why I want you to know. JK, plus connu sous le nom de Jamiroquai. Vous ne le savez pas encore, mais c'est ce qui arrive tout de suite dans la nuit des temps. Jamiroquai. Un zozo important dans la musique, car c'est l'un des premiers à avoir refait la jonction entre la soul et la disco dans les années 90. C'était pas une mince affaire, ça pouvait être totalement ridicule. Eh bien non, ça a été magnifique. Il surfait sur la vague acid jazz et puis il a tout fait éclater sur son passage. Et à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, eh bien on le considérait comme une sorte d'odieux plagiaire de Stevie Wonder, une sorte de Stevie Wonder avec de l'eau, insipide, sans âme, le néant, on ne comprenait pas. Et pourtant, souvenir d'un autre temps, je l'avais vu au Bataclan lors de sa première date française, et c'était une folie, un vrai petit diable avec un grand chapeau en poil mou sur la tête. Et il avait mis le feu avec sa boule disco. Ici, Jamiroquai est remixé en 2020 par l'un des pionniers de la French Touch, très très très cool et plein d'humour, Dimitri from Paris. Nous sommes sur un morceau de 1997, Cosmic Girl, Londres. Saturday. La nuit des temps, vous êtes sur Radio Duo. L'international de la danse. Reste en Angleterre avec deux producteurs qui se sont bien trouvés, ces deux-là, la House, Tiex, et l'autre, plus soul, Neck, avec en commun une bonne gorgée de piano. Le kiff ici, c'est un piano acoustique. Ça s'appelle The Funk. Le MoMA New York n'aurait pas trouvé un meilleur titre. Your sunshine, your sunshine, shining down on me. Your sunshine, your sunshine, your sunshine, shining down on me. Your sunshine, your sunshine, your sunshine, shining. Inventé mille trucs, mille fondamentaux dans la musique, mille choses qu'on retrouve un peu partout, toujours aujourd'hui, un siècle plus tard. Et parmi ces choses, il y a le boogie. Le boogie, ça vient de ce son, lorsque l'on voyage en train, ça fait tchic, tchic, tchic. Ce rythme provient de la séparation entre les rails et le passage des roues. Ça fait ce bruit régulier pendant le trajet. On appelait ça boogie, le boogie boogie, parce que le bruit venait justement de ce qui porte les roues du wagon, le bogie. Ça, c'était au début du siècle avec l'essor du train. Lorsque soudain, en 1978, en pleine période disco, ce truc de boogie est revenu à la mode et aux oreilles de groupes disco, un groupe disco en particulier, A Taste of Honey. Un goût de miel pour du boogie disco. On pense aussi à la fameuse émission Soul Train aux États-Unis, au même moment. Dans ces trains, même combat. Bienvenue dans le XXe siècle. C'était la nuit des temps, premier numéro en ce début 2023, la nuit des temps, avec comme invité cette semaine, nous avions Gabriel, c'est Kerry Chandler, Totally Enormous Extinct Dinosaur en powerplay double dose, le jeune Q, le très très vieux Dizzy Gillespie, les très anciens Fleetwood Mac, Crack and Smack, Jamiroquai, le duo Tiex et Mnek, et pour finir, les excellents A Taste of Honey et leur goût de miel. On referme doucement les portes de ce bon vieux club de la nuit des temps. Mille merci à Dominique, dont on entendra la voix la semaine prochaine sur ce programme. Et programme qui vous aura fait plaisir, j'espère. Rendez-vous la semaine prochaine, chaque jeudi de 21h à 22h sur le 89.5 de Radio Duo. La nuit des temps, c'est l'international de la danse. À très vite! Et tout de suite sur Radio Duo, les programmes continuent dans quelques minutes avec qui ou quoi.